Jeudi 26 octobre, 2h30 du matin. Plus envie. Hier, je n'ai eu rien écrit. Ma tête est vide, et je ne sais plus très bien où je suis. Je tente à nouveau de sortir du coma artificiel dans lequel on m'a plongé depuis des semaines. À cette heure où passe la ronde de nuit, je suis aidé par des appels qui me tirent de mon sommeil. Des cris plus insistants que d'habitude. Oh! Surveillant. Surveillant de prison. Je me retourne et me couvre la tête, le plus que je peux avec la couverture. Pourquoi a-t-il besoin de me gueuler celui-là, à cette heure-ci? Pourquoi aussi a-t-il besoin de me rajouter, de prison? Comme s'il y avait ici d'autres espèces de surveillants, des surveillants de square peut-être, ou bien de jardin d'enfants. Allons, je me dis, il a dû se retrouver sans électricité. Peut-être a-t-il raté le film une fois de plus. Pas de chance mon gars. Décidément, il insiste. Ça doit bien faire une heure qu'il tambourine. Il ne me laissera donc pas dormir. Oui, c'est ça, c'est l'électricité. Je l'entends plus distinctement à présent. Au surveillant. Le courant. Ce haut porte un accent circonflexe qui le place au-dessus, qui l'élève. Hosanna au plus haut des cieux, le courant, drôle de prière. Quel man espère-t-il? Voilà, je ne dors plus. Je me réveille, et je sais plus très bien qui je suis. Ce n'est pas croyable. Voilà qu'on frôle mon drap, là sous la couverture. Une main s'est glissée, qui me caresse. Elle explore ce corps sans vie, celui que décrivait Marvin dimanche, le mien. Voilà qu'elle désire à présent me consoler. Elle vient, doucement elle me presse. Elle veut bien réchauffer mes membres morts. Il y a là donc encore quelque chose de vif, quelque chose de non encore complètement minéralisé. Laisse-toi faire. Laisse-moi faire. Fais comme si tu ne te réveillais pas. Ça ne m'était plus arrivé depuis mon incarcération. Juste se laisser faire. À elle alors, à elle seule je m'abandonne. Silencieusement. Pourtant j'ai pas envie. Peut-être est-ce seulement instinctif, physiologique. Je n'éprouve aucun désir. Rien. Et pourtant, je me laisse faire. Peut-être encore suis-je vivant. À cette heure, j'irai jusqu'au bout. Il faut que ça sorte et que ça coule. Le mieux est de ne plus penser, d'attendre que ça finisse. Surtout tâcher à ne penser à rien. C'est un rêve et c'est tout. Hier j'ai eu mon premier entretien avec la psychologue du SMPR, le service médico-psychologique régional. Celle qui va me suivre et peut-être me soigner. La semaine dernière seulement, nous avons fait connaissance, en bas au rez-de-chaussée, dans la grande galerie toute blanche. J'avais attendu si longtemps ce rendez-vous que je l'avais presque oublié. J'ai écrit plusieurs fois pourtant. J'ai dû même faire le coup du chantage au suicide dans la dernière lettre au médecin psychiatre, dramatiser mon état. Elle me dit qu'elle m'a adressé une convocation, il y a de cela 3 semaines au moins. C'est moi qui ne suis pas venue. Je n'ai pas su qu'elle m'attendait, elle a eu depuis d'autres choses à faire, d'autres patients. Une convocation qui a dû s'égarer en chemin. Ça ne l'étonne pas, à moi non plus. Tant de choses se perdent ici. L'autre fois, la première fois, la semaine dernière, ce ne fut qu'une rencontre formelle. Un premier rendez-vous. Juste pour me dire qu'elle voulait bien de moi. Pour voir ma tête je suppose. On s'est donné rendez-vous une semaine plus tard, c'était hier. Elle m'a noté la date et l'heure sur un petit post-it, pour pas que j'oublie. J'ai eu l'impression qu'elle voulait bien de moi. Ou peut-être en a-t-elle seulement l'obligation. Peut-être fait-elle ça par devoir comme ceux qui gardent nos murs. Je lui ai quand même dit merci. Hier nous avons eu notre premier vrai entretien, notre première rencontre. On ne m'a pas donné de convocation. La machine a dû encore m'oublier. J'ai dû tambouriner à la porte. Tambouriner si fort à nouveau que même, mon voisin de la cellule d'à côté, François le Gitan, m'en a fait la remarque. Quand il est venu enfin me chercher, le gardien m'a dit de ne pas m'inquiéter. Le grand hall du SMPR est lumineux. Madame K m'accueille devant la porte de son bureau. Je n'ai guère à patienter tant je suis en retard. On ne m'a pas mis cette fois-ci dans la cellule d'attente, comme la dernière fois où j'ai discuté avec le déporté corse. C'est elle qui m'a envoyé chercher, me dit-elle, encore ils vous ont oublié. Elle rectifie, ça n'arrive pas qu'à vous, me voilà presque rassurée. Je la suis. Son bureau est une ancienne cellule aménagée. Il n'y a plus ni lavabo, ni toilette, bien entendu. Pas de télé non plus, pas de couchette. À la place, un bureau, une armoire à dossier, deux chaises et une table sur le côté. Tout l'espace est bien occupé. La table est couverte de jouets, de poupées et d'autres colifichets. Il y a des dessins sur les murs aussi, je crois, peut-être des coloriages d'enfants ou de taulards. Je ne sais plus, peut-être des affiches. Tout ça, jouets, dessins et affiches, égaie bien la pièce. Le lieu est habité. Pas de doute, elle m'accueille dans son cabinet, dans ce qui lui tient office de cabinet. Je me dis en regardant les tableaux jouets que ça ne doit pas être évident de travailler avec des détenus qui ne parlent pas le français. Je me demande comment elle peut faire avec eux. Je suppose qu'elle se sert de ces objets. Madame K doit avoir 45 ou 50 ans, ou entre les deux. Elle porte de grosses lunettes qui m'observent tranquillement. Il y a chez elle de la retenue, presque de l'expectative à mon égard. C'est sûrement une posture professionnelle. Je ne perçois pas de méfiance de sa part. Elle a peut-être lu mon dossier, je ne sais pas. Elle attend que je parle. Je ne sais pas par où commencer. Seulement lui dire que je me sens profondément, que je suis. Je ne sais pas exactement ce qu'elle attend que je lui dise. Peut-être n'attend-elle rien. Le temps s'écoule ni vite, ni lentement. Il s'écoule. J'ai le sentiment, tout au cours de l'entretien, que notre rencontre ne peut m'être d'aucun secours. Seulement, va-t-il falloir encore que j'invente quelque chose de sensible à lui dire? Il y a trop d'artifices, trop de décalages, trop d'infranchissables. Pleurer, ici ça doit m'être permis de pleurer. Alors je pleure. Il faut que ça sorte et que ça coule. Elle m'offre un Kleenex. Je m'essuie le nez. Surtout pensez à ne rien renverser. Je tente de la saisir. J'ai écrit, sur mon cahier, de la saisir, j'aurais dû dire, de la comprendre. Mais je ne la comprends pas. Je m'engage dans un jeu inutile. Très vite, je ne sais pas qui est le chat ni qui est la souris. Après tout, elle n'attend rien de moi, elle n'a aucun désir. C'est moi qui ai sollicité ce rendez-vous. Je lui dis combien j'ai attendu. Cela fait presque à présent 2 mois que je suis incarcéré et que je n'ai pu trouver personne à qui parler. Il y a des problèmes avec l'informatique pour les convocations, m'explique-t-elle. Je ne lui dis rien de l'offre que m'avait faite Jean-Marie de me confier à lui, offre que j'ai écartée. Je lui dis quelques mots de ma rencontre avec l'expert psychologue de l'autre jour, comment ça s'est passé. Je ne lui dis rien par contre de l'autre expert, celui de la malmesure et des petites croix. Mais là, c'est autre chose. Celui-là je préfère l'oublier, il m'a trop dégoûté de moi-même. Je devrais tout lui dire, et je vois bien qu'encore je ne peux que dissimuler. On se connaît à peine. Je lui dis, combien ici, en prison, j'ai appris à me taire, surtout à ne rien dire, ou en dire le moins possible. Ici tout m'enferme. Je ne sais plus si je lui ai dit que cet enfermement, au bout du compte me va bien, qu'il me protège aussi. Je sais bien que chaque mot, chaque phrase peuvent venir me déconsidérer un peu plus à ses yeux. Elle ne me demande rien, pas grand-chose. De temps en temps, elle prend quelques notes. Elle a ouvert un dossier sur mon compte. Elle m'assure que tout ce qui se dit ici est confidentiel. Bien sûr, je n'y crois pas. Je ne suis pas là pour vous juger. Je la regarde sans conviction. Je suis vraiment mal à l'aise. De plus en plus l'entretien me devient pénible. Je tourne, je vire, j'hésite. Il n'y a qu'un mètre entre nous à peine. Je perçois l'abîme qui nous sépare, et j'en ai le vertige. J'aurais aimé pourtant, au moins qu'on se rapproche. Ce n'est pas possible. Pas ici, pas maintenant, pas aujourd'hui. C'est de ma faute, je le sais bien. Elle me paraît être, avec ses grosses lunettes, comme venue de l'extérieur. Une alien dans ma prison. Elle loge pourtant 2 étages en dessous. Nous sommes quasiment voisins. Non, elle est bien d'un autre monde, pas de mon monde à moi, de ce monde qu'ici je construis patiemment, stratégiquement, comme un joueur d'échecs. Elle me paraît plus étrangère encore que les mettants en bleu que je côtoie tous les jours, et qui à présent me sont familiers. Presque, sa venue me gêne. J'oublie que c'est moi qui suis venu à elle. À un moment, elle me dit qu'il faut que j'arrête de tenter de lui répondre en tentant de penser ce qu'elle va bien penser, par rapport à ce que je pense devoir lui dire, ou quelque chose de compliqué comme ça. C'est éprouvant. Je me rends bien compte que je fais semblant. Peut-être n'ai-je pas choisi la bonne ouverture. J'ai choisi la moins téméraire. N'est-ce pas ce que je puis faire de mieux? Impérativement, protéger le roi, comme l'aurait préconisé Nimozovitch, Louvoyer. Voilà qu'alors je m'imagine sur un échiquier acculé à jouer. Je dois compter les coups, calculer le zizang. Mon roi est bien fragile, sa reine est intraitable. Je lui dis que l'entretien m'est difficile, je vois qu'elle s'en aperçoit bien. Je n'ai pas l'habitude de me découvrir ainsi. Ça me gêne. Je lui dis aussi que je me suis habitué comme ça. Par pudeur, peut-être. C'est mon rapport aux autres. Pour me disculper, je rajoute, c'est mes façons de me protéger, voilà. La séance est finie. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Elle me demande de lui préparer un génogramme, une sorte d'arbre généalogique, de lui faire un dessin. Je la quitte, je la remercie en partant, un merci machinal. Je ravale ma morve et ma salive. Le gardien de l'entrée me permet de regagner directement ma cellule. À partir d'ici, plus rien ne doit plus sortir ni s'écouler. Il faut que je fasse bonne figure. Voilà tes osseurs lumineuses, des blancs ruisseaux de canarans, et des corps blancs des amoureuses. Nageurs morts suivront-nous d'avant, ton couvert d'autres nébuleuses. Guillaume Apollinaire. J'ai dans le creux de la main ma jouissance. C'est fini. Il faut que je fasse gaffe à ne pas tacher les draps, qu'on ne nous a pas changés depuis 2 mois. Même s'ils sont sales, je ne dois pas les salir plus, surtout ne pas les tacher. J'ai encore le Kleenex avec lequel je me suis mouché. Je m'essuie comme un chat. D'ici, rien ne devrait jamais sortir, rien ne devrait jamais couler, ni larmes, ni morve, ni sperme.